La nouvelle réussite au lancement d'essai de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14 de la Corée Chuché fait grande sensation chez les peuples progressistes du monde et prix de justice et de paix contre l'impérialisme. Les personnalités de divers pays comme le secrétaire général de l'Association de culture et d'amitié Islande-République populaire démocratique de Corée, le président du Forum allemand anti-impérialiste, le directeur de la compagnie LTD Iskander de Russie et le chef du cercle bulgare d'études du kim-sunnisme kim-jong-lisme ont écrit dans leurs messages et lettres de félicitations que le lancement fructueux de la fusée coréenne façon 14 est la victoire non seulement pour le peuple coréen dans la lutte continue contre la menace militaire et les actes d'isolement et de suppression des impérialistes américains et de leurs suivistes, mais aussi pour les autres peuples du monde épris de paix. Ils ont souligné que la nouvelle réussite au lancement d'essai de la fusée façon 14 a créé un climat de terreur chez toutes les forces hostiles, notamment les impérialistes américains et leurs valets, et que la puissance invincible de la République populaire démocratique de Corée garantit la sécurité du pays ainsi que la stabilité de la région et du reste du monde.